changeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand a fait la sélection musicale et fait la mise en onde en plus de porter un chapeau. Aujourd'hui, une émission qui commence un peu de façon électronique, qui se continue de façon indie. Et ensuite, on va aller vraiment toucher le cœur du sujet avec des trucs comme des petits extraits de Samuel L. Jackson, du Billie Holiday, de What's Prophet, de Charles Mingus, de Last Poets et ce genre de choses. Et pour tout entendre, vous savez comment on procède? On y va maintenant.

I'm losing my shadow. Ah ouais, pendant qu'on entend le bruit des volcans de Mercury, de Mercure, avec Rose Garcia, ouais. Adam Swain commençait notre émission, qui, vous l'avez remarqué, n'était pas folk. Parfois, on a eu quelques débuts d'émission, on a eu quelques débuts d'émission folk récemment, puis là, ça n'était pas. Mais pas du tout. Jean-Philippe me dit « J'aime plus ça, le folk. » Voilà, c'est fini. Adam Swain nous faisait « The People Protesting Drum Out Big Lee Cov Fefe », le fameux Cov Fefe de son ami Donald. « Speak to Me, New Music, New Politics » de 2019. C'est un album d'un compositeur qui fait vraiment dans le contemporain, voilà, dans la nouvelle musique, qui est un pianiste avant tout. Puis j'aimerais bien voir en spectacle à un moment donné, s'il passe par ici. Et pourtant, j'ai pas tant le goût que ça d'habitude d'aller voir des spectacles. Vous me connaissez. Je suis tellement sauvage. Ursula K. Le Guin et Todd Barton nous faisaient Aaron Dance sur Music and Poetry of the Keshe. Ursula Le Guin, peut-être une des plus grandes écrivaines de science-fiction, qui s'est éteinte en 2018, à 88 ans, le 22 janvier, qui avait fait beaucoup d'ouvrages bien vendus, bien critiqués, et des sortes de cycles de terre et mer, d'écumène, des trucs comme ça, beaucoup de choses qui ont été traduites en français, ce qui a permis de la lire quand j'étais petit et que mon anglais était insuffisant pour la lire dans la version originale. Nous sommes passés ensuite à Tiondi Braxton. C'était vraiment très très bon, la pièce Opening Bell sur Central Market de 2009. On remarquera que c'est un peu moins mathématique que les musiques de son père Anthony Braxton. Il a beaucoup travaillé avec un groupe qui s'appelle Battles. Puis il a travaillé avec plusieurs personnes. Tantôt, pour rire, je disais qu'il a joué beaucoup avec dans le groupe Various Artists, qui est un des groupes qui a le plus de membres. Il a fait des s'est promené pas mal dans le monde aussi. Joué dans toutes sortes de trucs avec des plus ou moins grands orchestres, parfois carrément de grands orchestres. C'est un compositeur fort intéressant. Tiondi Adayan Braxton, voilà, qui est né en 78, donc plutôt, c'est, oui, le fils d'Anthony. Alors, j'en écoutais un peu quand j'étais jeune, d'Anthony, c'était un peu compliqué. Woom, comment on le prononce? Woomé, nous faisait Pool of Light sur Towards the Shadow de 2018. On voit Albert Schatz et April Kamlin qui ont développé une musique qui, j'allais dire, c'est ça, avec percussion et synthé. Puis c'est ça aussi très chouette. D'ailleurs, c'est un bloc que j'ai bien aimé pour toutes sortes de raisons, mais aussi parce qu'il y avait Foodman pour terminer. Foodman, qui est un japonais qui nous faisait percussion, où est-ce qu'on entendait d'ailleurs des bruits de verres qu'on remplit ou de bouteilles qu'on vide, dépendant de quel côté on se tient. Haru Otoko no Dansetsu, c'est le nom de l'album. Puis Foodman, il sort de où? En fait, c'est un producteur de musique électronique, un disc jockey aussi, et un peintre. Puis il fait des trucs depuis 2011 seulement. Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est jeune? C'est la question. On le voit pas. Je peux pas vous le dire. Mais donc, il fait des trucs depuis 2011. Parce qu'avant ça, il a plus produit. Puis à un moment donné, il s'est dit, tiens, à force de produire, je connais assez de choses. Puis il s'est mis à faire de musique plutôt expérimentale et très, très chouette. Qu'est-ce qu'on va avoir pour... là, on s'en va dans le côté du rock indie plutôt, avec Pale Face, French Fritz Kaiser Thompson, une des plus jolies versions de Surfing USA. Alors, on y va presque tout de suite. I bought my favorite record at the local record store. I would have bought a lot, but I didn't have a job. I took it home and I put it on the turntable. It made me wanna kill everybody in the neighborhood. It made me wanna burn and rob, burn and rob. Rock and roll made me wanna burn and rob, burn and rob, burn and rob. Kill everybody and quit my stupid job. I went into my mom's room and I stole all of her jewelry. I put it in a paper bag and sold it on the street corner. Then I bought a lot of drugs and I got my sister drunk. Stole the family car and I stuffed her in a trunk. And I drove it off the edge of a cliff and stood there laughing. Burn and rob, burn and rob. Hideous crimes done with a cattle prod. Burn and rob, burn and rob. I'm a punk and a rapper and a heavy metal sod. I already had my dad's checkbook, so I ran off to the bank. Took out all the money and I loaded up on crank. Then I went across the country spreading fire and disease. Prayed to the devil down on my bloody knees. And I bought another record and committed suicide. Burn and rob, burn and rob. Yeah, it was rock and roll that drove me to the other side. Burn and rob, burn and rob. Rock and roll made me not believe. God, burn and rob, burn and rob. Don't stop, rock and roll, kill a cop. Burn and rob, riot in the street, punch out everyone you meet. Burn and rob, burn and rob, burn and rob. Join a lynch mob, burn and rob, kill everybody that ever was alive. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing in California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'd catch them surfing at Delmar, then Surrey County. We planted out of red. We're gonna take real soon. We're waxing down our surfboards. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing, surfing USA. Haggerty's and Swami's, Pacific Palisades, San Onofre and Sunset, Redondo Beach, LA, all over Lahaina, and Waimea. Everybody's gone surfing USA. Surfing USA. Everybody's got surfing. Surfing USA. Everybody's got surfing. Well, it's cool. Everybody's got surfing. Surfing USA. We'll be right back.

starving. I was holding some wadded pills. I was reading that Smoking Kills. I was so started starving. And I was walking through Ridgewood, Queens. I was flipping through magazines. I was so started starving. Ouais, mais on terminait ce bloc avec Ruby Carento. Et je vais vous en parler tout de suite parce que c'est vraiment, vraiment excellent. La pièce s'appelle Fox's Wedding, puis ça s'est paru en 2018. Ruby Carento, qui... en fait, Ito dit « Nous sommes des généralistes ». C'est ça. C'est la chanteuse et on parle d'un groupe, de ce groupe No Wave. On pourrait parler de No Wave, d'accord. Moi, je trouve ça juste très bon. Il y a qui avec elle? Summer Morse, Jason Flower, Damon Henry. Ils sont en Colombie-Britannique. Puis, c'est sûr que s'ils viennent faire un tour à Québec, Jean-Philippe, tu iras. Tu iras, puis tu me raconteras ensuite qu'est-ce qui s'est passé. Chante en japonais et en anglais aussi, puis c'est vraiment très, très chouette. On en avait mis la dernière émission ou l'autre avant. C'est ça, l'autre avant, puis c'est un succès parfait. Je trouve ça très, très bien. Dennis Weiss nous faisait Ya Alim Kader sur Wise Music de 2018. En fait, c'est une compilation de ce que ce type... Dennis Weiss ou Dr. Weiss a sorti de 79 à 84. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Bill Laswell, David Allen, d'autres personnes, puis qui fait des trucs très expérimentales habituellement. Cette pièce-là était la moins expérimentale et la plus pop, pour utiliser une expression pour laquelle qui est parfaitement inadaptée à son genre de musique. Mais donc, c'était la plus pop, possiblement, de ce qu'il y avait. Puis, la pochette est assez drôle. On se demande d'où il sort, quand même, Wise Music, Dennis Wise. Comme ça, qu'on aime déjà. Ouais, c'est un anglais d'origine jamaïcaine. Voilà. Ensuite, avant ça, nous avons eu un Parquet Quartz qui s'appelle aussi Parquet Quartz. La pièce s'appelle Stoned and Starving sur Light Up Gold de 2012. Eux, ils sortent de Brooklyn, mais c'est deux principaux chanteurs, compositeurs, Andrew Savage et Austin Brown, sont natifs du Texas. Puis le groupe est complété par Max Savage, le frère d'Andrew, et le bassiste Sean Yeaton qui vient de Boston. Puis ça aussi, c'est chouette. Les autres sont plus dans le punk rock un peu, parfois, et du rock indépendant, puis ils font du post-punk aussi. Alors, je vous ai déjà expliqué cette conception musicale. Je n'y reviendrai pas pour l'instant, mais sachez qu'un de ces jours, je vous ferai un classement parfait de tout ce qui est pré-punk, punk et post-punk. John Forbes, c'est une pièce de Le Ville Juif Underground sur un album qui s'appelle When Will the Flies in Deauville Drop de 2019. C'est un drôle de groupe qui... c'est un projet collaboratif de Nathan Rush, un Australien, avec les gars de Ghetto Tropic qui viennent de Ville Juif. Puis... ils ont joué à toutes sortes d'endroits, mais j'ai beaucoup aimé dans l'article que je disais tantôt, ils ont fait le tour de la France, de la Belgique et une tournée absurde de la Chine qui comprenait des festivals aux côtés du top 40 pop stars chinois. Donc, j'imagine les trois gars de Ville Juif faisant le tour de la Chine avec leur ami australien, avec les top stars chinois. Ça devait donner de jolies discussions. Avant ça, Robert Stevie Moore nous faisait Why Should I Love You sur Glad Music de 86. Il paraît qu'il vient de sortir un autre album, Robert. Comme il y en a déjà plus de 400, on ne sait pas exactement où ça se situe dans le nombre. Il a joué souvent sur plusieurs de ses albums de tous les instruments. Puis, c'est un guitariste vraiment amusant. Puis, on l'aime, Robert. C'est ça. Évidemment, il produit un peu trop pour qu'on puisse acheter tous ses albums et il aimerait bien ça parce qu'à un moment donné, il y avait des difficultés financières assez sérieuses, semble-t-il. Pourtant, je l'ai déjà vu, j'avais trouvé ça drôle, une espèce d'émission de variété française où il chantait Chantal Lace, et c'est très drôle, avec une guitare pas branchée, le style français des années, fin des années 80, début 90, où est-ce que tout le monde faisait du playback, lip-sync, comme ça, puis ça lui allait pas bien. Ça lui faisait pas bien du tout. Avant ça, on a eu un truc très drôle, c'était Surfing USA, French Frit, Kaiser, Thompson, sur Live, Love, Laugh and Loaf, de 1987. Fred Frith, on en a mis quand même quelques fois. C'est une espèce de génie de la musique. Et je me suis toujours interrogé, en le voyant jouer, comment il faisait pour jouer de la guitare avec d'aussi gros doigts. Il y a vraiment des énormes, des espèces de grosses paluches comme ça, puis il joue vraiment très bien. Ah oui! Jean-Philippe me dit, oui, mais as-tu déjà vu l'état de ses guitares après? Mais on parle de guitare déglinguée, mais il jouait beaucoup avec des guitares préparées aussi. Alors, Fred Frith, que j'avais vu à un moment donné, c'était drôle, une petite salle dans Saint-Jean-Baptiste avec Tom Coran. C'était assez chouette aussi. Et nous avons commencé avec Burn and Rob, c'est Paleface, sur une compilation qui s'appelle What Else Do You Do? A Compilation of Quiet Music. C'était pas si tranquille, il me semble. De Paleface. Paleface qui vient de quelque part aux États-Unis. Puis il a été longtemps. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, excusez-moi. C'est ça, il a fait longtemps des trucs avec Daniel Johnson. Puis c'est drôle, ça a été le coloc de Beck. En fait, Beck couchait sur son divan. C'est un peu drôle. Puis Beck a pris une direction différente après. Voilà, mais Paleface, c'est ça, il a une tête assez sympathique. Vous irez voir le wiki sur lui, c'est assez chouette. Alors, on va terminer l'émission tout à l'heure avec toutes sortes de trucs très très chouettes qui nous rappellent que c'est la fin du mois des Noirs. We love roll call, y'all. Boogie Down Productions, Rob Bass, Dana Dane, Molly Marr, Olatunji, Chuck D, Ray Charles, EPMD, EU, Alberta Hunter, Run DMC, Stetsasonic, Sugar Bear, John Coltrane, Big Daddy Kane, Salt and Pepper, Luther Vandross, McCoy Tyner, Biz Markie, New Edition, Otis Redding, Anita Baker, Thelonious Monk, Marcus Miller, Branford Marcellus, James Brown, Wayne Shorter, Tracy Chapman, Miles Davis, Force MDs, Oliver Nelson, Fred Wesley, Maceo, Janet Jackson, Louis Armstrong, Duke Ellington, Jimmy Jam, Terry Lewis, George Clinton, Count Basie, M2 May, Stevie Wonder, Bobby McFerrin, Dexter Gordon, Sam Cooke, Parliament Funkadelic, Al Jarreau, Teddy Pendergrass, Joe Williams, Wynton Marsalis, Phyllis Hyman, Sade, Sarah Vaughan, Roland Kirk, Keith Sweat, Cool Moe Dee, Prince, Ella Fitzgerald, Diana Reeves, Aretha Franklin, Bob Marley, Bessie Smith, Whitney Houston, Dionne Warwick, Steel Pulse, Little Richard, Mahalia Jackson, Jackie Wilson, Cannonball and Nat Adderley, Quincy Jones, Marvin Gaye, Charles Mingus, and Mary Lou Williams. We want to thank you all for making our lives just a little brighter here on We Love Radio. Gallant South.

because you're black. Cause. Just because you're black. You say you don't want to die because. Justice. Peace. I don't want to die because. Justice. You say you don't want to die because justice. There's no cause to die for. Just because you're black. Now what would cause you to say that? Is it because you justice. Have a good job and a home in the suburbs? Justice. Or is it because you wear pink and yellows, causing all justice. The women to scream from a cause unknown? Justice. Just because you're seemingly justice. Satisfied, that's no cause. Justice. To forget who is the cause of black justice. People being exploited and depressed. Justice. There have been many causes men have justice. Chosen to die for, but many black men are justice. Dying for a cause. Peace. And because you justice. Think there's no cause peace. To die for, justice. Malcolm. Denmark, Martin, justice. All died peace. Because they knew justice. What was the cause peace. Causing all justice. Of us to be exploited peace. And depressed. Freedom. I hope you get a cause freedom. To die for soon because you're freedom. Gonna die anyway just because you're black. Yes, I hope you get right soon freedom. So there won't be anything causing me freedom. To die because you didn't believe freedom. In our cause. Niggas and freedom. Negroes, listen. To this, it's glorious to die for a cause, but not because. Bye. They shot him through the neck, not by error. Well, they killed Gandhi, Medgar Evers, Emmett Till, and some little girls in Alabama. So why go on? There is no hope for white America. King was giving it a chance, and he was killed for it. Now let us watch them reap the stuff from the rotten seeds they've sown. Remember now, King is gone. Wilkins, Young, and Farmer are talking to history. That leaves us with a bottle, a brick, and a bat. Peace, brother, peace. Alors c'est un petit bloc consacré, on pourrait dire au moins de l'histoire des Noirs, voilà, qui commençait avec Samuel L. Jackson. C'est un extrait du film Do the Right Thing de Spike Lee, un film de 1989. Alors, il faisait le DJ, alors le radio DJ qui nomme des grands artistes noirs américains. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On est passé ensuite à Strange Fruit, une chanson de Billie Holiday sur Lady Sings the Blues 1956. Elle était déjà à l'époque un peu touchée par la drogue. Elle-même en parlait régulièrement quand même du fait qu'elle avait consommé et qu'elle consommait. Elle se sentait vraiment esclave de la drogue. Ça a joué beaucoup sur sa santé, sur sa vie. Mais quelle voix! c'est vraiment, vraiment quelque chose de fantastique qu'elle avait. C'est quoi, elle est décédée quand même assez jeune, à 44 ans quand même. Elle a malheureusement eu sur sa route, à un moment donné, croisé un type qui était un consommateur de cocaïne et d'héroïne. C'est là que ça a commencé pour elle. Ça ne l'a pas empêché de faire parmi les plus belles chansons du répertoire américain. Qu'est-ce qu'on a eu après The What Prophets nous faisait America Caca sur un album qui s'appelle The Black Voice on the Streets in Watts. Eux, ce sont des précurseurs aussi de What's Prophet. En faisant du jazz, en mélangeant le jazz et le spoken word, ils ont comme été des ancêtres du hip-hop contemporain. Il y avait Richard Doe, Father Andy Hamilton, Otis O'Sullivan, et... c'est ça, Solomon a enlevé le Smith, à un moment donné, qui complétait son nom. Puis c'est beaucoup, beaucoup de choses intéressantes chez The Watts. On a eu de Last Poets un petit peu plus tard et on va y revenir. Charles Mingus nous faisait Lock Him Up, qui vous rappellera peut-être quelque chose sur un président américain relativement récent, il est encore là. Original Phobos Fables de 1960 et Sarok. Sarok, le batteur est vraiment en feu. Charles Mingus, qui est aussi connu pour ses capacités musicales et ses capacités de compositeur que pour son mauvais caractère. Puis il a pété une dent à un moment donné à un type qui jouait avec lui, qui lui a fait perdre un peu de style sur son instrument avant. Mais c'est beaucoup plus que ça, Charles Mingus. Ses pièces sont reprises. On refait les trucs de Mingus parce que c'est un très grand compositeur. The Last Poets nous faisait Just Because sur The Last Poets de 1970. Eux aussi ont modifié un peu tout ce qui s'est passé. C'était vraiment un groupe extrêmement politique, voilà ce que j'allais dire. Et eux aussi sont un peu à l'origine du ce qu'on pourrait appeler le hip-hop maintenant. The Roscoe Mitchell Art Ensemble nous faisait Tatas Matos sur Congliptius de 1968. Ça aussi, ça rockait, comme on dit. Et ensuite, on passait à Kotchemea qui nous faisait All New Tazin sur All My Relations. C'est quelqu'un qu'on connaissait pas avant aujourd'hui, puis c'est très très bon. On a eu ensuite The Watts Prophets qui sont revenus avec des Shot Him sur The Black Voices on the Street in Watts de 69. Et on a terminé avec les Lions de Judas, de Steve Reed. Puis lui aussi, un autre qui a refusé d'aller au Vietnam. Et pour terminer, donc, il y avait la citation de Mohamed Ali qui disait « J'ai rien contre le Vietnam. Pourquoi j'irais là? Il n'y a jamais un Vietnamien qui m'a traité de nègre. » Et... Merci Mohamed Ali pour cette citation. Et c'est tout pour nous. Je vous dis à la semaine prochaine.